je cours après mes rêves, j'arrive plus à dormir, faudrait arrêter le temps. Routine et problème, on garde les bons souvenirs, le petit est de mes bras. Je cours, je suis rattrapé le temps. Le soir je rentre, je suis en fifi. Dans le bloc j'ai l'impression d'être suivi. Je vois cette maman avec son enfant qui s'en sort pas pour payer le loyer. Elle galère, puis c'est 16 ans dans l'amour, elle s'est noyée. Et son mec il a lâché, elle reste forte, elle joue les deux rôles. Lui c'est plus, il est perdu, il traîne tout seul, il est dehors. Je vois ce petit qui n'a pas de papa, les réveils sont durs, je vois ses yeux. Il rigole même quand ça va pas, une étoile dans lequel c'est un proche aux yeux. Je raisonne, je lui dis ne prends pas de risque, prends pas de risque.